14. Le livre de la prière sur le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Chapitre 243. L'obligation et le mérite de prier sur lui selon certaines formules. Allah Ta'ala dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate 33, verset 56. 1397. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Quiconque prie sur moi, en disant ô Allah, prie sur Muhammad, c'est-à-dire fait son éloge auprès des anges, une fois, Allah en compensation prie sur lui, c'est-à-dire qu'Allah le loue auprès des anges, 10 fois. Muslim. 1398. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Les gens qui me seront les plus proches le jour de la résurrection sont ceux qui prient le plus fréquemment sur moi. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1399. Selon Aus ibn Aus, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Le vendredi est l'un de vos meilleurs jours. Multipliez donc les prières sur moi en ce jour, car vos prières me seront présentées. On lui demanda: Ô messager d'Allah, comment nos prières te seront-elles présentées alors que tu ne seras plus que poussière? Il répondit, alayhi salatu wassalam: Allah azza wa jalla a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1400. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Honni soit celui devant lequel on mentionne mon nom et qui ne prie pas sur moi. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1401. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage et de célébration, mais priez sur moi, car vos prières me seront transmises où que vous soyez. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1402. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Nul ne me salue sans qu'Allah ne me rende mon âme dans ma tombe, afin que je lui rende son salut. Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1403. D'après Ali, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'avare est celui auprès duquel on me mentionne sans qu'il prie sur moi. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan Sahih. 1404. Fadala ibn Ubaid, radiyallahu anhu, a dit: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, entendit un homme faire des invocations dans sa salat, mais sans glorifier Allah Ta'ala, ni prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, sallallahu alayhi wasallam, celui-là s'est empressé dans ses invocations. Avant de l'appeler et de lui dire que l'un d'entre vous dans ses invocations commence par glorifier et louer Allah, puis qu'il prie sur le prophète, et ensuite seulement il peut demander à Allah ce qu'il désire. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan Sahih. 1405. Abu Muhammad Ka'b ibn Ujrah, radiyallahu anhu, relate ceci. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vint un jour à notre rencontre et nous l'interrogeâmes. Ô messager d'Allah, nous savons déjà comment te saluer, mais comment devons-nous prier sur toi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit: Dites, ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur la famille d'Abraham, Ibrahim, tu es digne de louange et de glorification. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni la famille d'Abraham, tu es digne de louange et de glorification. Al-Bukhari et Muslim. 1406. Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, a dit: Alors que nous étions assis autour de Sa'd ibn Ubadah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint à notre rencontre. Bashir ibn Sa'd l'interrogea alors: Ô messager d'Allah, Allah nous a ordonné de prier sur toi, mais comment devons-nous le faire? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, garda le silence si longuement que nous regrettâmes que la question fût posée, avant de répondre finalement, « Dites, ô Allah, prie sur moi et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur la famille d'Abraham, Ibrahim, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni la famille d'Abraham, tu es digne de louange et de glorification. Quant au salut, salam, on vous l'a déjà enseigné. » Muslim. 1407. D'après Abu Humayd al-Sa'idi, radiyallahu anhu, les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, comment devons-nous prier sur toi ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Dites, ô Allah, prie sur Muhammad, sur ses épouses et sa descendance, comme tu as prié sur la famille d'Abraham, et bénis Muhammad, ses épouses et sa descendance, comme tu as béni la famille d'Abraham, tu es digne de louange et de glorification. » Al-Bukhari et musulmans.